J'ai repris ma guitare après toutes ces années. Tout au fond d'un placard, je l'ai ainsi retrouvée. Ma toute première guitare, celle avec qui j'ai tout appris. Les accords, les barrés que mes doigts ont pu souffrir. Je lui ai tout confié, ce que j'avais sur le cœur. Mes moments de détresse et mes instants de bonheur. Qu'elle a gardé en elle, tout bien enfoui dans sa caisse. Il n'en sortira rien, plus fidèle qu'une maîtresse. On s'est trimballé un peu partout tous les deux. On a vu du pays, de la pluie, du grand ciel bleu. On a chanté la haine, l'amitié et surtout l'amour. On a chanté la vie, la mort et joué la nuit et le jour. J'ai décidé pourtant aujourd'hui de m'en séparer. Dans une brocante, une braderie ou bien sur eBay. Qu'elle puisse à nouveau se refaire une nouvelle vie. Que de prendre la poussière, oubliée dans un cagibi. J'ai repris ma guitare après toutes ces années. Tout au fond d'un placard, je l'ai ainsi retrouvée. Ma toute première guitare, celle avec qui j'ai tout appris. Les accords, les barils que mes doigts ont pu souffrir.